Ouais, c'est la 2 là. Ouais, c'est la 2 là. Je rencontre des lireux. Je leur allume pour garder l'ivresse. Du printemps, je t'arrête dérivée. Et qui ferait, je retrouve qu'à délivrance. C'est trop chaud, tu l'as senti, mec. À 15 ans, sur le terrain, j'ai encore mes sentiments. Toujours le doigt levé, bouge moins d'un centimètre. Pas de chance, à 16 ans, j'ai plus la santé, moi. Je les prends pas à 10, fermez les yeux, c'est une part douce. Pas prêt de partir, tu manques pardon, tu vas dire que c'est par dose. Tu sais que j'ai carburé, je reprends le chemin de la maison quand il se met terre. Trop victime au-dessus du tabouré. Je suis en face, casse des portes, finis sous terre bourrée. Et c'est hallucinant toute la haine qui génère. Rafale de Yankee à leur caisse qui gêne. En se frôle les rétro, les haines qui génèrent. Et c'est hallucinant toute la haine qui génère. Rafale de Yankee à leur caisse qui gêne. En se frôle les rétro, les haines qui génèrent. Je regarde pour tout, j'ai fait le con, j'ai fait le son. Des fois je vendais le bon, c'est le son, je faisais le tout. Je regarde pour tout, j'ai fait le con, j'ai fait le son. En seconde c'était qu'un plus doré, j'ai pas ton temps. Plus doré, j'ai pas ton temps. Je me dis j'ai trop zoné. C'est qu'il est chelou, si pour moi il est pas content. Ça me dit t'es mal, il est chaud, putain il est pas coté. Sur un scooter bourré, tu le vas revenir du bac à deux. Sympa. J'arrive, on me dit ça, ton t'es mort si tu fais bac à feu. Tu m'as trop chaud, elle est bien maintenue. Rien qui parle maintenant, un gros droit comme un maintenance. Faut tout savoir ce qu'il y a dans le contenu. J'ai baissé son matelas pour le savoir la maintenue. J'ai brûlé matelot. Dans le bateau, sur le vélo, la rien qui m'attelait. Tu prenais un chape si t'es pas des nôtres. Nous on sera contents car on n'est pas des leurs.